Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté l'usine des souvenirs du haut lieu révolutionnaire de Mangyongdae avec les cadres responsables du Comité Central du Parti du Travail de Corée. Dans la salle d'historique, il a dit « L'usine est fondée grâce au général Kim Jong-il. » Lors de sa visite dans la salle d'exposition de produits de l'industrie légère de la ville de Pyongyang en août 1984, le général a apprécié haut les produits de l'usine. Le personnel de l'usine ne doit jamais oublier la confiance et l'affection de notre général. Avec la fierté de travailler dans l'usine qui est marquée de l'amour ardent du général et qui attire l'intérêt profond du parti, le personnel doit accomplir le plan de l'économie nationale par indice et contribuer activement à l'amélioration de la vie du peuple. Le camarade Kim Jong-un s'est renseigné en détail sur la production et la qualité des produits en faisant le tour des processus de production des fermetures éclairs, des objets en résine à base de mélamine formaldéhyde, des souvenirs, de la salle d'échantillons et d'autres. Il s'est exprimé très satisfait de l'usine qui a installé nouvellement le procédé technique moderne capable de produire en grand nombre des fermetures éclairs en résine et en métal nécessaires à la fabrication des serviettes, des chaussures, des articles de sport, etc. et qui a commencé la production pour de bon. Il a fait remarquer. Tous les équipements de fabrication des fermetures éclairs, y compris la machine de tissage, l'appareil servant au moulage, les machines à remailler, à déchiqueter et l'appareil contrôleur sont très modernes. Surtout, on fabrique les fermetures éclairs avec nos matières premières, nos matériaux et nos accessoires. Cela me fait vraiment plaisir. Un grand succès est obtenu dans l'application de l'orientation du parti en matière de nationalisation. L'usine a une grande capacité de production des fermetures éclairs. Elle peut fabriquer suffisamment des fermetures éclairs nécessaires à la production des articles de première nécessité pour le peuple, sans parler des serviettes, des uniformes et des chaussures pour élèves. Le procédé de production des fermetures éclairs à notre manière, mis sur pied dans l'usine des souvenirs, à la suite de l'installation du procédé de production des tissus de serviettes nationalisés dans l'usine textile Kim Jong-suk de Pyongyang, permet de fournir à nos enfants et élèves des serviettes fabriquées avec notre tissu et nos fermetures éclairs. L'usine a installé aussi à merveille le procédé de production des articles en résine à base de mélamine formaldéhyde, bon à voir et facile à utiliser, et marqué un grand progrès dans la modernisation du procédé de production des souvenirs. Le camarade Kim Jong-un a estimé important le devoir de l'usine et précisé ses tâches pour normaliser la production des fermetures éclairs à un niveau élevé, diversifier la forme et la couleur des fermetures éclairs, prêter une grande attention à l'amélioration de la qualité des produits, accroître le nombre d'espèces des produits en résine à base de mélamine formaldéhyde et assurer parfaitement leur qualité, bien entretenir les équipements et gérer efficacement la salle de vulgarisation des connaissances scientifiques et techniques, s'intéresser profondément à l'amélioration de la vie du personnel. Le camarade Kim Jong-un a dit qu'il a mis sur pied un nouveau centre de production des articles de consommation courante basé sur notre force, notre technique, nos matières premières et nos matériaux, puisqu'on a aménagé les procédés modernes pour production des fermetures éclairs et des articles en résine à base de mélamine formaldéhyde à l'usine des souvenirs du haut lieu révolutionnaire de Mangyongdae, réaménagé à merveille à la hauteur de l'état civilisé socialiste, et qu'il est bien content du fait qu'on a exécuté l'entreprise qu'il désirait tant pour le peuple. Il a affirmé que conformer mieux les usines de l'industrie légère à la demande de l'époque de l'économie du savoir, réaliser la nationalisation des matières premières et des matériaux et relancer la production est une importante entreprise destinée à satisfaire le besoin croissant du peuple en articles de consommation courante et à manifester la supériorité et la vitalité du régime socialiste de notre pays. Il a ordonné de réaménager à merveille les usines de l'industrie légère déjà existantes et en même temps de construire beaucoup plus de centres de production des articles de consommation courante modernes dotés des équipements et des procédés techniques de pointe. Le camarade Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec le personnel de l'usine après avoir exprimé sa certitude qu'il produira davantage d'articles de consommation courante de bonne qualité, réputés et reconnus chez le peuple et conformes à son goût et à son esthétique, avec une bonne conception du peuple, pour remplir sa responsabilité et son devoir dans l'effort pour l'amélioration de la vie du peuple.